et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est au nord, si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors. Et toutes ces choses, mais pour moi rien n'a changé. Je t'ai gardé et je me demande qui touche tes cheveux. Et je me demande si tu es près d'un feu, puis si tu lui as dit les mots que tu m'as dit. Et toutes ces choses, mais pendant que j'y pense, toi tu m'oublies. Si l'on se reverra, et je me demande si tu te souviendras, si nous deviendrons simplement des amis. Et toutes ces choses, mais tu as dû oublier qu'on s'était aimé.